10,90€, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Ouais, je sais, ma tante, mais je pourrais pas venir à Dakar cette année. Merci, mais non, bon je peux pas t'envoyer de l'argent. Écoute, tata, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rappeler. Ok. Mais c'est quoi ça? Mais c'est pas ce que j'ai demandé en fait. Changez-moi ça. C'est pas ce que j'ai demandé. Allô? Vous pouvez me changer ça s'il vous plaît? C'est pas ce que j'ai demandé. Calme-toi frérot. Mais calme-toi de quoi? C'est pas ce que j'ai demandé. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, écoute. Tranquille, on va trouver une solution. Vu sur la mer sur IG dans toutes ses photos. Toute la terre est vraie de voir le bas de son dos. Elle pourrait briser même le cœur des plus costauds. Un traquenard, une équipe, tu finis en pop smoke. Comme la carte est black, elle ne dit jamais non non. Après les shopping, je ferai crier mon nom. Quand je suis à 200, elle me dit vas-y mollo. Baby, je suis diamantaire, donc t'auras le roro. Elle veut du beef, pas de love. Si tes poches sont vides, elle dira non non non. Pas de love, si tes poches sont vides, elle dira non, non, non. Et quand elle rentre dans le club, tout le monde la trouve suspecte. L'attitude et les formes pour les rendre tous dingues. Elle veut cette vie-là, tous ses jours sont des week-ends. Après minuit, on fera nos bails en loose day. Laisse-moi être ton Gucci, Gucci, babe. Gucci, babe. Gucci, Gucci, Gucci, babe. Gucci, babe. Laisse-moi être ton Gucci, Gucci, babe. Gucci, babe. Gucci, Gucci, Gucci, babe. Gucci, babe. Dis-moi si t'as des choses à cacher. Si tu snaps pas Dubaï, monte le conducteur. Faut pas lui parler de trop s'attacher. Sur son CV, trop de OG ont eu peur d'elle. Dans la tête, elle se maquille. Dans son Fiat 500. Son Bluetooth à vie. Je l'hésite un instant. Le dernier hurissement, souris clashé. Tous les RS. Ah, même dans le 4matic, elle est pas fatiguée. Faut du cardio, faut être motivé. Pour la piloter, c'est un danger. Y'a tellement de l'eau, ça qui ont cantiné. Qui ont pris des risques pour ses beaux yeux. Je pourrais tout donner, tout donner. Dans mon royaume, elle est couronnée, couronnée. Et quand elle rentre dans le club, tout le monde la trouve suspecte. L'attitude et les formes pour les rendre tous dingues. Elle veut cette vie-là, tous ses jours sont des week-ends. Après minuit, on fera nos bails en loose day. Laisse-moi être ton Gucci, Gucci, babe. Gucci, babe. Gucci, Gucci, Gucci, babe. Gucci, babe. Laisse-moi être ton Gucci, Gucci, babe. Gucci, babe. Ça va, mademoiselle? Oui, ça va. Un petit tôt. Enchanté. Enchanté.